Mon enfance captive. Mon enfance captive a vécu dans les pierres, dans la ville où, sans fin, vomissant le charbon, l'usine en feu dévore un peuple moribond. Et pour voir des jardins, je fermais les paupières. J'ai grandi, j'ai rêvé d'Orient, de lumière, de rivage, de fleurs où l'air tiède sent bon, de cités au nom d'or, et, seigneur vagabond, de pavés florentins, ou traîner des rapières. Puis, je pris en dégoût le carton du décor. Et maintenant, j'entends en moi l'âme du Nord qui chante. Et chaque jour, j'aime d'un cœur plus fort ton air de sainte femme, ô ma terre de Flandre, ton peuple grave et droit, ennemi de l'esclandre, ta douceur de misère où le cœur se sent prendre, tes marais, tes prés verts où rouissent les lins, tes bateaux, ton ciel gris où tournent les moulins, et cette veuve en noir avec ses orphelins.